Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Mag, votre rendez-vous avec l'actu locale sur Radioactive. Et aujourd'hui dans ce Mag, on va parler danse, énergie et bonne humeur. Samedi 7 mars, la salle du Moulinet à Nazelles-Négron va accueillir un grand cours de Zumba gratuit, et oui, ouvert à tous. Ce sera plus de 2 heures pour bouger, se défouler et puis surtout passer un super moment ensemble. Et pour nous en parler, on reçoit aujourd'hui Damien Gérard, instructeur de Zumba, qui animera cette séance. Bonjour Damien. Bonjour. Est-ce que pour commencer, tu peux nous rappeler ce qu'est exactement la Zumba pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors la Zumba déjà c'est un sport, donc une danse, c'est un programme on va dire de danse qui regroupe pas mal d'activités, que ce soit la salsa, le merengue, la pop, beaucoup de choses hip-hop aussi, pourquoi pas. Mais c'est un sport avant tout. Oui, c'est ça, c'est un sport. Ça va être sympa, il y aura de l'ambiance, ça sera fun, de la musique. Du coup, pendant un petit peu plus de 2 heures, donc déroulé sur 2h30, avec une petite pause quand même pour pouvoir boire. Eh oui. Prendre une petite pause. Et selon toi, c'est ce côté fun et sympa que tu évoques là qui fait que cette discipline, elle attire autant de monde depuis plusieurs années, parce qu'il y a un véritable essor de la Zumba depuis quelques années. C'est quelque chose qui, il y a 20 ans, on n'en entendait pas parler autant de la Zumba. Ça a bientôt 20 ans, il me semble, oui. Et tous les ans, je sais qu'il y a beaucoup d'instructeurs qui passent cette formation, justement, partout dans le monde. En France, ça a pris pas mal d'essor, en effet. Beaucoup d'associations, beaucoup de clubs proposent de la Zumba, justement, dans leur programme annuel. Qu'est-ce qui t'a conduit, toi, Damien, en tant qu'instructeur, à te lancer là-dedans ? À la fois, qu'est-ce qui t'a rapproché de cette discipline qu'est la Zumba et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'enseigner ? Alors, donc, de base, je suis éducateur sportif au sein de la Fédération Française EPGV. Donc animateur sportif, éducateur sportif. Ah oui. Et j'ai toujours eu cet attrait, cette passion, qu'est la danse. J'ai vu une vidéo sponsorisée sur Facebook, je me suis dit, oh, bon, pourquoi c'est pour pas moi. Ça peut être sympa. 2 jours après, j'étais inscrit, une semaine après, j'étais déjà en formation. Ah ouais. Oui. Donc j'ai toujours aimé la danse, ma mère m'a beaucoup poussé à faire de la danse, à bouger. Je remercie d'ailleurs, c'est comme ça que c'est grâce à elle que j'en suis là. Donc j'ai fait beaucoup de danse sur Amboise, du hip-hop, danse contemporaine un petit peu, le chalet musical à Amboise. Ah oui, oh dis donc, oui, oh, oui, ça date un petit peu, ah, avec, oui, les exact. Avec les costumes, déguisements, ah, ouais, à l'époque et ah, tout. Là, je me rappelle bien. Pas mal de danse de salon également. Donc, bon, arrête parce qu'on va te demander une démonstration dans quelques instants. Sinon. Bon, bien, ça se voit qu'on ne voit pas alors. Alors justement, tu en reviens à la danse, mais c'est vrai que à la fois c'est un programme d'entraînement physique complet, mais c'est aussi une danse. On en revient toujours à ça, c'est vraiment un combiné, cette Zumba. C'est ça. Alors après, chaque instructeur met un petit peu à sa sauce la danse. Elle peut être un peu plus cardio, un peu plus renfo. Ça peut être sous forme différente. Par exemple, je peux cacher des petits squats tout discrets dans une choré, ça fera un petit peu les cuisses. Il y aura quand même un peu de renforcement musculaire dedans. Beaucoup quand même de cardio, de danse, ça va être sympa. À ce qui fait qu'en fait, on fait du sport sans trop s'en rendre compte, alors en fait, c'est ça, c'est le côté caché un petit peu de l'effort physique, cette Zumba. Exactement, c'est un petit peu feinteur, on va dire. La musique aide beaucoup, on va pas se mentir, donc c'est surtout des rythmes latinos entraînants, donc il y aura années 80, un petit peu de pop, des musiques de radio qui passent actuellement aussi. Donc ça permet de travailler, de danser, de se défouler, et on travaille un petit peu quand même. Est-ce qu'il faut savoir impérativement danser quand on vient s'initier à la Zumba ? Alors, pas forcément danser, mais avoir une petite coordination quand même de base. D'accord. Après, les musiques feront qu'on s'achera un petit peu plus au bout des 2 heures. Après, bien échauffement de 2 heures. Hein. Ok. Samedi 7 mars, tu vas proposer un grand cours gratuit au Moulinet. Comment elle est née, cette idée de cet événement-là ? Alors, c'est un peu le fruit du hasard. Je me suis fait mon petit bingo 2026 pour les bonnes résolutions à prendre et je me suis dit... Oh, j'aimerais bien faire un événement Zumba tout seul. J'ai l'habitude d'en faire sur Orléans avec des collègues membres de la communauté Zumba. Et je me suis dit, j'aimerais bien en faire un tout seul. Voir en fonction du temps, 2h30, bon, pourquoi pas, ça se tente. J'avais fait une soirée années 80 du coup au Moulinet avec ma femme. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer donc à titre bénévole cette initiation Zumba ce samedi. Mais alors si ça marche et que ça cartonne, ça veut dire que ça va s'ancrer dans la programmation du Moulinet à Nazelles-Négron dorénavant, cette Zumba ? Pourquoi pas, à voir, s'il y a 500 personnes qui arrivent sur le parquet du Moulinet. Ah oui, tu places la barre assez haute. Donc on annonce plus de 2 heures de danse, tu l'as dit, c'est de 17h à 19h30. Comment ça va se dérouler la séance ? Comment ça va se dérouler ? Bien, j'espère, mais j'en doute pas. Alors il va y avoir, on va dire, une bonne heure et quart pour première partie avec pas mal de danse, de chorégraphie, peut-être des petits battles, pourquoi pas, des petits jeux. Une petite pause quand même pour profiter du bar du Moulinet. Mm-hmm. Et on terminera pour une petite heure de Zumba, une nouvelle fois, terminé par des petits étirements. Comme ça, ils m'en voudront un petit peu moins après les courbatures du lendemain. Est-ce que chacun peut y aller un petit peu à son rythme? Parce que la Zumba, on imagine, et tu l'as dit, quelque chose de très tonique, quelque chose qui bouge beaucoup, quelque chose qui fait travailler le cardio. Mais est-ce que, si moi je suis un petit peu plus fragile physiquement, je peux quand même venir et y trouver mon compte? Oui, bien sûr, tout le monde peut y participer, de 3 jusqu'à 99 ans et plus si besoin. Il faut déjà avoir envie d'y aller, je pense que c'est déjà un bon levier motivationnel. Après, chacun y va pour son rythme. Il y en a qui sont là pour se défouler, il y en a peut-être pour un peu plus renforce musculaire, pour bosser, etc. Mais j'y vais petit à petit quand même à chaque fois. Au début, je fais croire que la chorégraphie, elle est facile. Puis après, c'est bizarre. Et après, j'enchaîne un peu plus de sauts peut-être. Donc chacun pourra y trouver son compte. J'ai à chaque fois donné le maximum pour donner la version la plus dure, on va dire, la plus motivationnelle aussi. Et donc après, si les personnes ne veulent pas forcément me suivre, il n'y a pas de souci. On est là pour passer un bon moment et c'est ce qui compte le plus. Et c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Les gens, ils viennent chercher quoi en général? Toi qui es un habitué de la Zumba, ils viennent pour le sport, le plaisir, la détente, le fait de rencontrer des gens aussi, tout simplement peut-être? Oh, tout. Ouais, ils viennent pour tout. Ils viennent beaucoup pour danser, pour se défouler, pour lâcher un peu aussi avec la semaine, le week-end aussi se défouler, pour danser, passer un bon moment et puis... Il y a un petit peu beaucoup de soleil qui est là en ce moment, donc c'est le moment parfait pour danser et commencer les danses de l'été. Mais oui. Ça se passera donc au Moulinet à Nazelles-Négron, au 12 boulevard de l'Avenir. Les portes ouvriront à partir de 16h45. Est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable ou pas, Damien? Non. Non, on peut venir directement. On peut venir comme ça, oui. Ok. Eh ben, on peut préciser que sur place, il y a un parking, vestiaire, bar et c'est même climatisé. Parce qu'on va avoir chaud. Tout y est. Qu'est qu'alors dans ce Moulinet? Donc samedi 7 mars à la salle du Moulinet à Nazelles-Négron, donc un rendez-vous avec Damien Gérard pour un grand cours de Zumba gratuit. Alors ça c'est chouette aussi, accessible à tous et gratuit. Un moment sportif, festif et ouvert à tous pour bouger ensemble. Merci beaucoup Damien. Merci à vous et à samedi. Damien, si on se quittait en musique avec une ambiance Zumba, tu nous proposerais quoi? Alors, une petite musique qui s'appelle Abou Sadora, que vous pourrez retrouver du coup ce samedi au Moulinet. Eh ben c'est parti, on écoute, on se met dans le mood. Et donc, à samedi 7 mars pour retrouver Damien sur le dance floor du Moulinet. A samedì. Abusadora, matadora, non la puoi controllare. Cazadora, la padrona con suo flow te va a guagliare. Abusadora, matadora, non la puoi controllare. Cazadora, la padrona con suo flow te va a guagliare. Te va a guagliare, te va a guagliare, te va a guagliare, te va a guagliare. Et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.